enregistrés. Merci d'écouter nos programmes. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Green Blood, c'est 4 épisodes qui racontent 3 histoires où 3 journalistes ont été menacés, ont risqué la prison ou ont été assassinés. Cette semaine, le réseau Forbidden Stories. C'est une collaboration internationale avec des journaux en Asie, en Afrique, aux États-Unis ou en Europe. Et je pense que ce type de projet-là peut aussi montrer un peu aux gens pour qui on travaille. Et on travaille pour faire que notre démocratie ne meure pas dans l'opacité et faire en sorte que les citoyens soient informés, surtout sur des histoires qu'on a voulu passer sous silence au départ. Du Guatemala à la Tanzanie. Dans cette série documentaire, on s'est intéressé à 3 journalistes. Donc Carlos Choc au Guatemala, un journaliste maya. Sandhya Ravishankar, une journaliste indienne qui travaille sur les mafias du sable en Inde. Et un journaliste qui s'appelle Jabir Idrissa, dont le journal a été fermé en Tanzanie. Mais il y a aussi des moments où on veut des spécialistes de la finance, où on veut des spécialistes du droit, on veut des spécialistes de la mondialisation et des multinationales. Et toutes ces aptitudes-là ne sont pas forcément contenues dans un seul journal ou dans un seul média. Nous, notre rôle à Forbidden Story, c'est de coordonner une enquête qui est mondiale, avec une vingtaine ou trentaine de rédactions, donc d'organisations de presse qui prennent part à ce type de projet-là. Donc notre métier, c'est vraiment de coordonner. Un certain journalisme d'investigation. Petit rappel, notre semaine se consacre à Forbidden Stories, un réseau de journalistes d'investigation créé en 2017 par Laurent Richard pour poursuivre le travail de reporters menacés, emprisonnés ou assassinés. Ce réseau a enquêté dans le domaine ô combien souterrain des industries minières et revient avec une enquête globale sur 3 pays, Inde, Tanzanie et Guatemala, enquête intitulée Green Blood. Aujourd'hui, nous retrouvons le co-réalisateur de cette série, Arthur Bouvard, ainsi que le directeur de collection, Alexis Maron. Alexis Maron va venir à Forbidden Stories dans un premier temps, et puis après, évidemment, à la série que nous aurons l'occasion de découvrir dimanche soir sur RTS2, intitulée Green Blood. Votre arrivée à Forbidden Stories, elle se passe comment, dans quelles conditions? Vous recevez un coup de fil un beau matin et puis on vous dit « tu pourrais pas passer prendre un café ?» En fait, Laurent Richard, qui a créé Forbidden Stories, est un ami proche. En fait, on s'est rencontrés à l'agence Kappa à l'époque où lui-même y travaillait aussi, et donc on s'est beaucoup pratiqué, et c'est vrai que quand il y a 2 ans et demi maintenant il a créé Forbidden Stories, moi j'étais en admiration devant cette initiative. Parlez-en avec vos mots d'ailleurs de cet objet-là, Forbidden Stories, parce que lui l'a présenté. Moi c'est quelque chose, ça me rend presque émotif en fait d'en parler, parce qu'on a tous été confrontés à des situations de terrain où on a bien vu à quel point des journalistes locaux, notamment dans des pays difficiles, sont en danger permanent, parce que déjà soit on les rencontrait pour les interviewer, soit ils nous servaient, comme on dit, de fixeurs, c'est-à-dire qu'ils nous préparaient le travail sur place et qu'ils nous accompagnaient dans nos reportages et nos documentaires, en prenant parfois, pas toujours, mais parfois des risques conséquent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous travaille et qui nous hante parfois, même quand on rentre de ces reportages, de ces documentaires, et qu'on les laisse là-bas et qu'on sait que peut-être ça peut les exposer encore plus à des dangers. C'est très compliqué et c'est pas toujours facile à porter. Et Laurent le connaît très très bien aussi, parce que lui c'était un journaliste spécialisé dans l'investigation et dans les sujets compliqués, contrairement à moi qui peut être sur des sujets, on va dire, plus ou moins sensible. Donc voilà, j'ai trouvé que cette initiative était magnifique, et que en fait c'était incroyable que personne n'y ait pensé plus tôt, tout simplement, parce que c'est vrai que quand on est journaliste, on sait ce que c'est que d'être exposé aux dangers, aux pressions, et c'est vrai que ça semble incroyable finalement qu'il n'y ait pas eu cette initiative avant. Alexis Maron, alors la technique du réseau est une technique relativement nouvelle. De plus en plus de journalistes s'y essayent, avec de la réussite, il faut bien le dire. Est-ce que pour vous, cette pratique d'un journalisme comme ça a été évidente, ou bien il a fallu un petit peu de temps pour vous y faire? Parce que j'ose avancer que c'est une pratique des nouvelles générations, relativement reliée à la manière dont La nouvelle génération fonctionne avec les outils d'aujourd'hui, ce qui ne va pas forcément de pair avec les gaillards qui sont un peu plus âgés et qui les précèdent. Qu'en est-il pour vous ? Alors, ce que vous appelez le travail en réseau, on appelle ça en général le journalisme collaboratif. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment travailler en équipe, s'agréger de façon opportuniste et au cas par cas, sujet par sujet, former un groupe entre différents journalistes de différents titres, de différents journaux, de différentes radios, télévisions, sites internet, pour unir nos forces, pour enquêter sur un sujet. C'est un outil absolument formidable et extraordinaire qui s'est développé énormément depuis une petite dizaine d'années, même s'il y a eu des exemples, mais quasiment uniques précédemment. Là, il y a une systématisation de cette forme de travail qui tient à plein de raisons. Alors, vous avez raison, il y a déjà la possibilité technique que crée Internet, que crée les réseaux de communication via Internet, les WhatsApp, et puis les réseaux cryptés, surtout, qui nous permettent, nous, de communiquer en toute confidentialité entre journalistes, parce que parfois on échange des informations sensibles et on communique de façon cryptée, mais de façon assez souple et légère aussi. Il faut pas s'imaginer. Avant, ça aurait été effectivement très compliqué. Aujourd'hui, tout ça est très fluide. Donc, ça rend aussi possible. C'est vrai que la technique rend ça possible, mais je dirais que c'est pas ça la principale raison du développement du journalisme collaboratif. Pour moi, les deux principales raisons du développement du journalisme collaboratif, c'est un, la paupérisation des médias, qui est une réalité. Il faut savoir que, en plus, l'investigation, c'est ce qui coûte le plus cher dans la presse, parce que justement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de pistes à creuser, beaucoup de documents à fouiller, à creuser, puis aussi des éléments juridiques pour lesquels on peut prêter le flanc à des procès en diffamation, donc potentiellement des frais d'avocat derrière, des procès, et tout ça est déjà très lourd à porter pour les journaux, mais pour des journaux qui aujourd'hui se paupérisent, des médias qui se paupérisent, ça devient de plus en plus compliqué de faire l'investigation. Donc forcément, mutualiser entre guillemets ce travail au cas par cas quand c'est possible, ça ouvre des portes formidables. Et puis sans compter que évidemment le fait d'agir à plein donne une puissance de frappe démultipliée qui permet d'aller beaucoup plus loin dans les enquêtes, de pousser les investigations beaucoup plus loin, et en plus de profiter de différentes capacité qu'on peut trouver dans différentes rédactions, dans différents journaux. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans les enquêtes où on a besoin de gens de terrain, mais il y a aussi des moments où on veut des spécialistes de la finance, où on veut des spécialistes du droit, on veut des spécialistes de la mondialisation et des multinationales. Et toutes ces aptitudes-là ne sont pas forcément contenues dans un seul journal ou dans un seul média. Alors que là, on peut vraiment, au cas par cas et en fonction de la façon dont progressent les enquêtes, des révélations qui émergent, se dire, tiens là, on veut un type qui connaît le business de l'or au Financial Times, par exemple, parce que c'est une référence. Voilà. Et ça, c'est formidable parce que ça donne la possibilité d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans les enquêtes. Ce qui a changé aussi, l'autre point, c'est que c'est vrai qu'il y avait une tradition quand même dans la presse et notamment dans l'investigation de garder ses infos pour soi. Parce que par définition, on gardait ses scoops parce que c'était ça qui aussi permettait de faire vendre son papier. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Enfin, je veux dire, oui, il y a peut-être quelques vieux briscards qui fonctionnent un peu encore comme ça en solitaire, qui préfèrent se garder leurs scoops pour eux-mêmes. Mais je pense que dans les jeunes générations, tout le monde a bien compris l'intérêt de faire ce travail en commun et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans les enquêtes. Histoire vivante, cette semaine, réseau Forbidden Stories, suite de l'entretien avec Arthur Bouvard et Alexis Maran. Arthur Bouvard, vous allez nous raconter un peu, pour que les gens s'en fassent une idée, ce qui les attend dimanche soir sur RTS2. C'est un projet décliné en plusieurs épisodes qui s'appelle Green Blood. Moi, je n'en dis pas plus parce que le reste est à vous. Green Blood, c'est 4 épisodes qui racontent 3 histoires. 3 histoires dans 3 pays où 3 journalistes ont été menacés, ont risqué la prison ou ont été assassinés. Le projet Green Blood, en fait, c'est de reprendre l'histoire de journalistes qui travaillaient sur l'environnement. Parce que après la guerre, l'environnement, en fait, est une des thématiques qui est la plus dangereuse, la plus meurtrière pour les journalistes. Dans cette série documentaire, on s'est intéressé à trois journalistes. Donc, Carlos Schock au Guatemala, un journaliste maya. Sandhya Ravishankar, une journaliste indienne qui travaille sur les mafias du sable en Inde. Et un journaliste qui s'appelle Jabir Idrissa, dont le journal a été fermé en Tanzanie. Et ces trois journalistes, en fait, sans se connaître, ils travaillaient un peu sur le même sujet. Pas la même histoire, mais le même sujet. Alors, l'environnement, oui, mais pas que. Ils travaillaient sur l'industrie minière. Et en fait, on s'est vite rendu compte, en faisant nos recherches à Forbidden Stories en amont, avant de pouvoir construire ce documentaire et le filmer, on a fait énormément de recherches et on s'est aperçu que... Alors, il y a 13 journalistes qui sont morts depuis 2009 en travaillant sur l'environnement. Il y a des dizaines d'autres qui sont menacés, dont on n'entend pas forcément parler. Et la moitié d'entre eux, en tout cas de ceux qui ont été assassinés, travaillaient sur l'industrie minière, en tout cas l'industrie extractive, qui est une industrie qui est extrêmement opaque, où les intérêts financiers sont très importants. On a voulu offrir ce documentaire en 4 épisodes où les 3 histoires sont tressées. C'est pas un pays ou une histoire par épisode, c'est 3 histoires qui se déroulent au fur et à mesure, tout au long des 4 épisodes. Vraiment comme une série de fiction. Et voilà, pour qu'on comprenne les similarités entre ces histoires et ces journalistes qui ne se connaissent pas, mais qui dans différents continents en fait font l'expérience des mêmes menaces, des mêmes intimidations. Alexis Maran, alors venons-en à votre rôle, à vous, puisque j'ai vu écrit sur le générique de Green Blood que l'on pourra voir découvrir tout au moins les 2 premiers épisodes dimanche soir sur RTS2, que vous portiez le noble titre de directeur de collection. Alors ça, c'est une première peut-être pour vous. Vous n'aviez encore jamais dirigé. C'est complètement. Collection. On a passé d'ailleurs beaucoup de temps à imaginer comment on pourrait caractériser mon travail sur la série, parce que la vérité du travail concret, c'est qu'on, avec Jules Giroda et Arthur Bouvard, nous avons travaillé main dans la main. Les 2 réalisateurs. Voilà, qui sont eux réalisateurs et auteurs de la série. On a travaillé vraiment main dans la main. Alors, pourquoi directeur de collection? D'abord parce qu'effectivement, la série a été initiée par Arthur et Jules, qui en sont réellement les auteurs. Ensuite, quand ils se sont mis à travailler et à former ce réseau collaboratif avec Forbidden Stories, etc., ils se sont vite rendu compte que, vu l'ambition qu'on avait dans le récit aussi, puisqu'il y avait ces enquêtes qui étaient déjà très complexes à faire, mais il y avait aussi une ambition narrative sur ce projet, qui était de faire une série un peu comme un thriller, un peu comme une série policière ou une série d'investigation de fiction, et que donc forcément ça faisait beaucoup de casquettes à porter pour 2 garçons et c'est là que je pense, avec Laurent, ils se sont dit il nous faut quelqu'un peut-être qui a plus d'expérience, qui a déjà beaucoup travaillé aussi sur la narration, même si c'était pas dans le cadre de ces et que par le biais des relations personnelles que nous avons déjà avec Laurent, ils se sont tournés vers moi. Voilà. Je m'étais évidemment posé la question, d'abord parce que 4 films pour 3 sujets, il y avait un côté bancal, et bancal je veux dire non symétrique tout au moins, et puis je m'interrogeais en regardant, puisque j'ai eu la chance de regarder une partie seulement des documentaires, de cet entrecroisement, on passe de l'Inde à la Tanzanie, en revenant au Guatemala, et on repart en Inde. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette manière d'avancer? Est-ce que pour vous, je ne sais pas si vous êtes à l'origine de ce choix de narration, s'est-il imposé de lui-même? A-t-il été difficile à faire accepter aux autres? Je renvoie par exemple à des articles du Monde qui traitent de Green Blood. Chacun traite son sujet. Chaque journaliste, on va dire à l'ancienne, traite qui le Guatemala, qui la Tanzanie, qui l'Inde. Là, au contraire, dans la forme documentaire, il y a l'idée, et on va parler de forme, évidemment, il y a l'idée d'entrecroiser. Ça vient d'où, ça? Vous l'avez un petit peu dit, mais j'aimerais bien vous entendre plus. Alors, c'est une idée que j'ai eue avec mon co-réalisateur Jules Giroda. C'est une idée, en fait, qui s'est imposée d'elle-même pour nous. Pour plusieurs raisons, mais en travaillant sur l'environnement et le projet Green Blood, déjà on savait qu'on allait travailler sur plusieurs histoires. Très rapidement, on s'est rendu compte que faire un épisode par histoire allait très vite, en tout cas on prenait le risque de raconter 3 fois la même histoire, c'est-à-dire 3 fois l'histoire d'un journaliste qui est menacé, d'un collectif de journalistes qui reprend son travail, qui enquête sur une mine, qu'elle soit en Tanzanie ou au Guatemala, et puis une publication commune. Des doublons thématiques. Oui, et puis un arc narratif qui serait le même. Principalement l'arc narratif. En exactement. Fait. Oui. Et au-delà de ça, on avait aussi ce très rapidement, en faisant l'enquête, en passant des coups de téléphone, on s'est rendu compte des similarités entre les histoires. Et on s'est tout de suite dit qu'il serait beaucoup plus intéressant, en fait, de justement que les histoires puissent se faire écho et qu'on n'ait pas l'impression, en fait, juste de raconter la même histoire en remplaçant, si je dirais, les personnages, en remplaçant un journaliste par un autre, une multinationale et une mine par une autre, mais plutôt de montrer, en fait, que des problématiques comme l'accaparement des terres, comme la corruption gouvernementale, en fait, se retrouvent et sont assez systémiques dans ces histoires. Nous nous sommes intéressés à une affaire en Inde, une au Guatemala et une en Tanzanie. Nous allons commencer par vous raconter ce qui se passe en Inde avec l'extraction illégale de sable. L'extraction de sable, c'est un sujet très sensible. Le sable, c'est devenu l'or blanc. On le retrouve dans la construction, les routes, le maquillage, le téléphone portable. On en extrait, les spécialistes disent, entre 40 et 50 milliards de tonnes par an. Donc c'est considérable. La face cachée de l'extraction de sable en Inde, ce sont des mafias qui ouvrent des carrières et extraient illégalement du sable dans tout le pays. Pour maintenir leur business à flot, elles n'hésitent pas à menacer, à corrompre ou à tuer tous ceux qui s'opposent à elles. On voit bien en Inde que de nombreux journalistes ont été menacés et même tués parce qu'ils enquêtaient sur les mafias du sable. On a l'exemple de Jagendra Singh. Jagendra Singh, c'est un cas particulièrement intéressant parce qu'il a été assassiné dans des conditions extrêmement suspectes, sans qu'il y ait eu de véritable enquête de police. Nous, notre travail, ça va être de contre-enquêter pour essayer de comprendre qui l'a tué et pour quel motif. Un extrait de Green Blood, le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Histoire vivante, cette semaine, réseau Forbidden Stories, suite de l'entretien avec Alexis Marron. Quand moi j'arrive sur la série, Arthur et Jules ont déjà été faire un premier repérage en Inde, au Guatemala, pas en Tanzanie parce que c'était très compliqué et un peu risqué de s'exposer même en repérage. Quand j'arrive, ils ont déjà décidé de faire une série feuilletonnante, c'est-à-dire non pas de faire un film, une enquête, mais de raconter ces trois enquêtes sur quatre films en quatre épisodes. Mais par contre, effectivement, ils n'ont absolument pas eu le temps de se préoccuper du découpage, de l'entremêlement des histoires, de l'identification des personnages principaux. Et c'est là que moi, je suis, tout en les aidant aussi sur des points beaucoup plus techniques et sur des points d'enquête. Hein, j'ai aussi participé en partie aux enquêtes. Il fallait que tout le monde fasse un peu de tout. Mais disons que moi, je me suis plus attaché à la mise en place de la narration, du récit et de la réalisation. Arthur Bouvard, certains la féminisent, d'autres la masculinisent. Qu'est-ce que l'on entend ? Parce qu'il faut également s'adresser aux gens qui nous écoutent sur un plan technique. L'arc ou l'arche, narratif ou narrative ? L'arc narratif, en fait, c'est la progression de l'histoire, du début à la fin. C'est les enjeux, en fait, et les enjeux qui vont tendre l'histoire. Du documentaire, de son départ jusqu'à sa conclusion. Mais comme tout le monde a en tête la forme de l'arc ou de l'arche, on mesure que ce n'est pas une ligne droite, que c'est une ligne avec une inflexion, non, avec une courbe. Ouais. Pourquoi cette image de la courbe ? Parce que je pense qu'on, même quand on raconte des histoires, et surtout des histoires, enfin surtout dans le documentaire, je pense qu'on passe beaucoup de temps à tâtonner, à se questionner, et je pense que le film qu'on réalise à la fin, il est un peu à l'image de ça. Et je pense que d'aller d'un point A à un point B en ligne droite, c'est quand on est pressé et qu'on a quelque chose à faire. Ça ne traduit pas la construction réelle de ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Ça traduit pas, en fait, le questionnement je pense qu'il doit être le nôtre en tant que journaliste, en tant que réalisateur de documentaire, c'est-à-dire de faire le tour de son sujet, d'en voir tous les aspects. Là, en l'occurrence, dans Green Blood, c'était même plus qu'une courbe. C'est carrément carrément une tresse, en fait. On a tressé toutes les histoires ensemble. Et ça, ça a été un gros challenge. Ça n'a pas été difficile de faire accepter cette idée, que ce soit notre producteur, nos diffuseurs. Tout le monde nous a donné relativement beaucoup de liberté et de confiance dès le départ. En amont, donc. En amont, ouais. Tout de suite en amont. On a beaucoup travaillé aussi pour écrire, entre guillemets, en tout cas, être le plus clair possible dans ce qu'on souhaitait faire, dans aussi pourquoi cette forme-là, elle nous paraissait essentielle et correspondre exactement au projet. Et puis, la chose que j'ai pas dit, c'est pourquoi est-ce que ça s'est imposé à nous comme forme de narration? C'est parce que c'est ça aussi qu'on aime regarder. Moi, c'est ça que j'aime regarder. J'aime aussi l'apport de la fiction dans le documentaire aujourd'hui. Il faut pas trop en faire, et je pense qu'il faut aussi rester faut mettre les potards un peu bas, si je puis dire, mais voilà, faut pas forcément trop vouloir. Faut faire un bar à gym. Exact. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Alors, quelles sont, Alexis Maran, les contraintes que l'on rencontre quand on s'attache à produire un récit en notant intentionnellement, volontairement, toute idée de commentaire accompagnant, de voix off, et qu'on choisit qui plus est d'entremêler plusieurs enquêtes l'une dans l'autre, en sachant que elles ont certes en commun d'avoir l'objet qu'on va appeler le sous-sol, l'exploitation du sous-sol, l'exploitation... La mine. Comment, pour arriver à l'étage du récit, comment s'y prend-on et qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté? Et une fois qu'on a posé les difficultés, quel choix ces difficultés nous amènent à prendre, peut-être par défaut ou peut-être intentionnellement? Et je crois qu'il y a quand même quelques éléments structurants dans le fait d'avoir trois enquêtes qui toutes partent de projets miniers. Déjà, le business en soi-même, c'est la mine. Ensuite, il y a l'atteinte à l'environnement et aux droits humains que génèrent ces projets. Donc, on a quand même, pour ces trois histoires, on a tout ça qui est en commun et qui permet quand même de tisser un fil dans la progression. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que il y a une forme de chronologie à la fois temporelle, mais aussi d'enquête, c'est-à-dire on part du terrain, ensuite on passe aux responsabilités locales, ensuite on passe un peu aux responsabilités internationales en remontant la chaîne. Donc ça, quand même, on savait qu'il y avait cette trame qui nous permettait quand même de rythmer des épisodes et de thématiser presque le découpage de ces récits. Ensuite, ce qui était vraiment je pense fondamental, c'est que on s'est dit qu'on voulait travailler comme dans une série de fiction, voilà, et qu'il y avait cette volonté d'utiliser tout ce qui pouvait se passer dans le réel pour y trouver des ressorts dramatiques qui pourraient créer des moments de suspense, des moments de découverte, de conquête, et des moments de déception aussi, et donc arriver à les exploiter. Et puis évidemment, la base d'une bonne série de fiction, ce sont les personnages. Des personnages forts, des personnages qui ont des enjeux divers, qui sont parfois en conflit, qui ont des conflits intérieurs aussi, ou qui sont à la recherche dans une quête de reconnaissance. C'est le cas notamment des journalistes locaux qu'on a identifiés et dont on reprend le travail, ou de la fille de ce journaliste indien qui a été assassiné et qui, elle, est dans une quête pour la justice. Et donc, en fait, tout ça, c'est les ressorts qu'utilisent très bien les scénaristes de fiction en inventant des personnages. Nous, on est parti du réel, mais on a fait ce travail de scénariste, et on l'a fait d'autant plus que on était aidé par notre coproductrice Aurélie Mémon, qui, elle, est productrice de fiction avec sa société French Kiss Pictures. Donc ils sont coproducteurs de la série Green Blood et ils sont spécialistes de la fiction. Donc c'est une personne, moi, avec laquelle j'ai beaucoup échangé en amont quand on préparait les tournages, pour identifier, mettre au point la dramaturgie, en fait, de la série, et surtout travailler en amont sur les personnages pour après qu'on puisse accompagner et suivre les histoires à travers le regard d'un certain nombre de personnages. On peut peut-être donner un ou deux exemples de ce qu'on entend par fiction ou éléments de fiction s'intégrant au récit pour que les gens soient... Ce ne sont pas des scènes qui sont jouées par des comédiens, c'est juste pour dire... Non, pas du tout, mais c'est par exemple choisir de raconter certains éléments d'une histoire avant d'autres. De ne pas forcément dévoiler tout de suite en fait tous les tenants, les aboutissants. Par exemple, pour être concret, une des histoires sur lesquelles on travaille et qui est dans le projet Green Blood, une des premières histoires d'ailleurs de l'histoire qui ouvre le film, est l'histoire d'un journaliste assassiné en Inde en 2015 qui s'appelle Jagendra Singh. On a décidé de brûler vif. Avant de mourir, il a pu en fait apporter un témoignage sur ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que sur son lit d'hôpital, il a parlé, il a été filmé, donc il y a des images qui existent. C'est quelque chose en fait dont, en voulant raconter une investigation, on aurait pu tout simplement partir de cette vidéo et la décortiquer entièrement, de la minute zéro à la 2 minutes 30 et prendre tout ce qu'il y a dedans et aller, voilà, il est à cet endroit, il a donné ce nom-là, il accuse cette personne et partir de quelque chose de très factuel en fait et ensuite aller chercher plus d'informations ou aller confronter des gens. Nous, il nous est paru plus intéressant de non pas rentrer dans cette histoire par cette vidéo, mais plutôt par sa famille, par sa fille, de découvrir qu'une partie de la vidéo et de ne pas non plus révéler tout d'un coup tous les éléments pour apporter un petit peu, alors on appelle ça du suspense, mais c'est aussi une manière de ne pas noyer en fait je pense son public. Mon père était tout pour moi. C'était un journaliste qui voulait révéler la vérité. Il n'hésitait pas à dénoncer l'injustice, qu'elle vienne d'un homme de la rue ou d'un politicien. Pour lui, la vérité devait éclater. Il me disait, personne ne se bat contre la corruption, mais moi je ne veux pas renoncer. Je n'ai jamais imaginé que sa vie puisse être en danger. Il n'en a jamais rien dit. Mais une fois, ma mère l'a évoqué. Elle affirmait que mon père ne pensait qu'à obtenir justice pour les pauvres et qu'un de ses articles avait mis en colère un ministre. Quelqu'un de Shahjahanpur a appelé à la maison. C'est mon grand-père qui a répondu. C'est lui qui m'a dit ce qu'il s'était passé. Au début, je n'ai pas voulu y croire. Puis un voisin a téléchargé une vidéo de mon père sur les réseaux sociaux. Il était gravement brûlé. Je n'arrêterai pas tant qu'on n'aura pas obtenu justice. Je prie sans cesse pour cela. Un extrait de Green Blood, le prochain documentaire d'histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Peu importe qui est responsable de la mort de mon père, je veux qu'il soit puni. Demain, nous retrouverons Arthur Bouvard et Alexis Maran pour poursuivre ces entretiens dans la perspective des prochains documentaires d'histoire vivante à voir dimanche soir sur RTS2. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Isabelle Barthes, Étienne Duval et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.